France Musique. Bonjour Nathalie Piollet. Aujourd'hui, je vous propose de passer une heure avec une voix mythique et l'un de ses meilleurs connaisseurs. Nous avons appelé cela les faces cachées de Judy Garland. Have you ever suffered that horrible thing of having your hostess ask you to sing? And just because you're so polite, you mumble through your teeth. All right. And suddenly a deathly gloom descends upon the entire room. And the whispering gallery starts to ring with, hold your hats, she's gonna sing. Well, here I am with great regret, an innocent victim of etiquette. I'm going to sing, but not for long. And though it's old, it's a lovely song. Smiling, and why do I sing? Why does September seem sunny as spring? Why do I get up each morning and start happy and head up with joy in my heart? Why is each new task a trifle to do? Because I am living a life full of you. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain and singing, just singing in the rain. I'm singing in the rain, oh, I'm singing in the rain. What a grand, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, I'm getting ready for love. The stormy clouds chase everyone from the place, and come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain and singing, singing, singing in the rain. Oh, I'm singing in the rain. I'm happy again. My troubles have fled, a rainbow's ahead. I'm singing. En 1940, Judy Garland a 18 ans et elle joue dans le film Little Nellie Kelly et interprète cette chanson Singing in the Rain. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez, un beau coucher de soleil, des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Schulman. Bonjour Laurent. Alors vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs, je crois qu'on peut le dire, de la carrière, de l'œuvre de Judy Garland. Vous êtes l'un de ses plus brillants collectionneurs. Combien d'éléments vous possédez sur Judy Garland, Laurence? Oh, j'ai à la maison beaucoup de disques, des 78 tours, des 33 tours, des CD évidemment. Mais bon, la collection inclut maintenant plusieurs milliers de photos, tous les bouquins qui ont été publiés, des laser discs qui ont existé dans les années 80. Donc j'ai une très très grande collection que d'ailleurs je viens de donner parce que je ne veux surtout pas gagner de l'argent sur ma collection. Et donc, j'ai décidé de faire don de ma collection à l'Université de Californie. Alors, vous êtes né à New York, Laurent Schulman. Vous êtes producteur, critique, traducteur musical. Vous avez édité un grand nombre de coffrets autour de Judy Garland. Vous avez vécu à Paris, d'ailleurs. Vous étiez animateur, producteur à France Culture et à France Musique. Et ce matin, vous nous faites un cadeau. Vous êtes venu avec une sélection de disques que vous appelez la face cachée de Judy Garland. On commence par plutôt les faces cachées. Les faces cachées. Oui, ce sont des faces cachées que représentent des disques qu'on va entendre. Des morceaux rares que l'on va entendre ce matin. On commence par un de ses tout premiers enregistrements. Je crois qu'elle a 7 ans. On sait que Judy Garland a débuté sur les planches avec ses parents dès l'âge de 3 ans. Pourquoi choisir cette chanson que l'on va entendre qui s'appelle oui. Blue Butterfly? Elle a commencé d'abord à l'âge de 2 ans et demi. Donc, même avant 3 ans. Il faut se rendre compte que Garland avait donc chanté dans le vaudeville à la fin des années 20, en 1929 pour être Claire, elle a fait 4 courts-métrages. Mm-hmm. Et 3 de ces courts-métrages étaient chez Vitaphone. Il faut comprendre qu'à la fin des années 20, on ne savait pas trop bien synchroniser le son avec le film. Et donc le système Vitaphone était l'un des systèmes qu'on utilisait à l'époque pour le faire. Et donc, elle a fait 3 courts-métrages chez Vitaphone et ce sont les premiers enregistrements qu'on a de Judy Garland. Et donc, on va écouter Blue Butterfly, que j'aime beaucoup, et ce sont des disques. Il faut bien comprendre que l'enregistrement était sur disque. Pourquoi vous l'aimez beaucoup, cette chanson? On n'a pas d'éléments de sa voix avant cet enregistrement. Il n'y a rien avant 29. A perfect lover. Someday I knew I'd recognize him if ever he came round my way. I always used to fancy then he'd be one of the kind of godlike men with a giant brain and a noble head. Like the heroes born in the books that I've read. But along came Bill, who's not that type at all. You'd meet him on the street and never notice him. His form and face, his manly grace. He's not the kind that you would find in a statue and I can't explain. It's surely not his brain that makes me thrill. I love him because he's wonderful, because he's just my Bill. He's just my Bill, an ordinary boy, but he hasn't got a thing that I could really brag about. And yet to be upon his knee, yet he did not have. And I can't explain why it's surely not his brain that makes me real. I love because he's, I don't know, because he's just my. On a fait un saut dans le temps, dans la carrière de Judy Garland. Elle n'a que 13 ans. Elle chante cet extrait de la comédie musicale Showboat, Bill. Ce qui est très impressionnant, Laurent Schulman, quand on l'écoute, c'est de se dire qu'elle a 13 ans. D'où vient... En fait, elle a 12 ans. Elle a même 12 ans. Elle a 12 ans, oui. D'où vient cette voix, cette profondeur? Il faut bien se dire que déjà en 1939, parce que l'enregistrement date du 29 mars 35, elle avait été sur scène depuis plus d'une décennie déjà. Donc, elle avait beaucoup d'expérience et pour cette chanson qui avait été créée par Helen Morgan. L'enregistrement de Helen Morgan dans Showboat était le plus célèbre à l'époque, dans les années 30. Donc, elle a dû l'écouter beaucoup. Donc, en quelque sorte, déjà dans le vaudeville, elle, sur scène, on a des photos d'elle sur scène, elle imitait Helen Morgan. Elle était sur le piano, elle était assise sur le piano et elle imitait Helen Morgan. Donc cet enregistrement, en quelque sorte, c'est une imitation de Helen Morgan. C'est vrai qu'on l'appelait quand elle est tournée avec ses parents, donc quand elle avait moins de 15 ans, la petite fille avec une grosse voix. Oui, on a dit des choses pires que ça aussi. On l'avait traitée de bossu. Par exemple, à la MGM, elle n'était pas classée parmi les beautés du studio. Donc, on l'a traité des noms que je préfère ne pas citer. Cet enregistrement, il est rare parce que quoi? Racontez-nous d'où il vient. C'est une longue histoire. Cet enregistrement, c'est ma plus grande découverte. Je l'ai découvert pour la première fois en 2009. Et on connaissait cet enregistrement dans les bouquins, mais on a toujours, les historiens, on pensait que ça n'existait plus. Et en 2009, j'ai pris contact donc avec une personne qui habite en Californie, qui s'appelle Cynthia Meader, qui s'est renseignée par Internet pour savoir ce que c'était ce disque, parce que le disque était vraiment un sillon noir, sans étiquette, rien du tout. Donc elle avait besoin d'aide pour comprendre ce que c'était ce disque, donc elle me l'a demandé. Quand je l'ai entendu pour la première fois, j'étais plus que surpris, j'étais très ému en fait, parce que c'est une rareté inouïe. Et donc en 2009, je suis entré en négociation avec Cynthia. C'était assez difficile, c'était un an de négociation avec elle, parce que c'était un peu difficile. Et puis on a acheté les droits. Et on a refait le son aussi. Ce qu'on entend ici maintenant n'est pas le disque que j'ai entendu en 2009. Ils ont beaucoup travaillé le son depuis 5 ans. Et ce remastering, comme on dit en anglais, a été fait par mon ami John H. Haley, qui a beaucoup de talent. Et donc, ce disque, on l'a mis dans mon coffret Lost Tracks, qui est sorti en 2010 chez JSP. Mais pourquoi cet enregistrement était mythique? C'est parce un test qu'elle a fait, oui, pour c'est entrer. Oui, c'est un démo chez Decca. C'est la toute première fois où elle entre en studio. Ouais. Parce que ce qu'on a entendu avant, de 1929, c'est un film. En 35, vraiment, c'était un démo pour Decca qui a été rejeté. Parce qu'elle a fait 3 démos ce jour-là. Elle a fait Bill, elle a fait un pot pourri, et puis avec ses sœurs, elle a fait une autre chanson qui s'appelle Moonglow. Et Moonglow n'existe pas aujourd'hui. J'espère que ça existe, mais on ne l'a pas retrouvé. Les deux autres existent, et donc, dans mon coffret Lost Tracks, on a sorti les deux enregistrements de 1935. Alors, on passe le temps. Judy Garland est embauchée à la MGM. Elle reçoit un contrat de 7 ans. Et là, son premier grand rôle, ça sera dans un film qui s'intitule Pigskin Parade. It's love I'm after. North, south, east and west, I've gone in my quest, far, wide, high and low, this one thing I know, it's love I'm after. I don't want to be a millionaire. The only thing on earth for which I care is love, but I love it. Give all that I possess. Don't you know the only name for happiness is love, love, love. Rich men, poor men, beggar men, thieves feel the way I do, because each one of them believes he'll find somebody like you. It's love I'm after. Love I'm after. Love, it's love I'm after. En 1936, It's Love I'm After, le premier grand rôle dans un long métrage de Judy Garland, dans un film, à vrai dire, qui n'est pas produit par la MGM, car la MGM l'avait prêté, comme on dit, au studio de la 20th Century Fox. Et puis maintenant, voici une chanson, eh bien, dans un film produit par la MGM, on est en 1937, le film s'intitule Thoroughbreds Don't Cry. C'est l'un des tout premiers films à réunir Judy Garland et Mickey Rooney, une chanson écrite par les auteurs de chansons sous la pluie, Nacho Herbrown et Arthur Freed. Et cette chanson, Sun Showers, a été coupée au montage. There'd never be a wish to make if it wasn't for a sign. There'd never be a love song if our hearts were never lonely. So just remember through the day our tears and cares are showers. Never mind the rain, the sun will shine again through sun showers. In a little while, the sky above will smile like laughter that follows your tears. Dark clouds of sorrow will soon be a sunny tomorrow, while sunflowers raise their happy eyes up to the flaming skies and sunshine. As they part, a rainbow in our hearts. Judy Garland, Sunshowers, dans le film Thoroughbred Don't Cry en 1937. Laurence Schulman, en fait, c'est la maman de Judy Garland qui la pousse à fond à aller faire du cinéma et qui veut à tout prix que sa fille fasse carrière. Ah oui, non, mais c'était ce qu'on appelle en anglais un stage mother. Donc, il y avait plein de stage mothers dans le vaudeville à l'époque et ces mamans vivaient en quelque sorte à travers leurs enfants. Donc, Garland avait un stage mother qui s'appelait Ethel Gum, qui d'ailleurs, si je peux dire, a joué du piano dans Bill. La chanson qu'on a entendue. Donc oui, elle avait un stage mother qui, par la suite, elle détestait. À la fin, elle trouvait que sa mère la poussait trop fortement à faire des films, à tourner trop de films et être toujours présent et de faire de la radio. Et donc, Ethel Gum est morte en 1953. Et à la fin, Garland et elle ne parlaient plus. Alors, Sunshower, c'est une chanson qui est coupée. Comment on retrouve des chansons comme ça? C'était quoi ce film d'ailleurs, Thoroughbreds Don't Cry? Oh, c'est pas un très très grand film de Garland. C'était l'un des films qu'elle a fait dans les années 30. C'est à peine regardable aujourd'hui. Mais l'enregistrement est sorti dans un coffret à Warner's il y a plusieurs années maintenant. Et donc, ils ont sorti cet enregistrement pour la première fois. Et ça m'a beaucoup ému parce que Garland était une chanteuse de plusieurs émotions en même temps. Si vous prenez par exemple la chanson Have Yourself a Merry Little Christmas, elle est quelque part entre la gaieté et la tristesse. Elle chante les deux émotions en même temps. Dans une chanson par exemple comme In Between, elle chante le fait qu'elle n'est ni adulte ni enfant. Elle est quelque part au milieu. Et puis bien sûr Over the Rainbow, où vous avez la voix jeune de Garland. Mais bon, quand même, c'est une chanson pour les adultes. C'est considéré comme une très très grande chanson. Donc elle chantait plusieurs émotions en même temps. Et c'est ça qui m'a toujours ému beaucoup. Alors, elle va enchaîner les films avec Mickey Rooney. Mickey Rooney, oui, bien sûr. C'est ça qui fait démarrer sa carrière ou c'est vraiment Over the Rainbow qui a fait Le Magicien d'Oz? Non, le premier très grand film était Le Magicien d'Oz. Mais bon, le premier moment vraiment classique au cinéma, c'était quand elle a chanté Dear Mr. Gable, You Made Me Love You. Là, ça a marqué les gens à l'époque. Ça vient du film Broadway Melody of 1938. Donc, c'est bien avant Le Magicien d'Oz. Alors, on reste à la fin des années 30. Judy Garland a 17 ans, quelques mois après la sortie du Magicien d'Oz. Elle est l'invitée d'une émission de radio. On va entendre une chanson qui s'appelle Comes Love. Vous pouvez nous la présenter, cette chanson? Oh oui, c'est une très bonne chanson, très très bien enregistrée pour l'époque aussi. La qualité technique est formidable et je ne peux pas souligner l'importance de la radio dans la carrière de Garland. Moi, j'y travaille depuis plusieurs années sur ça et Garland a fait des centaines d'émissions à la radio et la radio était utilisée comme outil de promotion des films à l'époque. Donc, elle a beaucoup chanté les chansons des films, mais elle a aussi chanté des chansons qui n'étaient pas dans ses films. Et Comes Love, c'est dans aucun film et c'est une chanson formidable. I've studied up my trigonometry and my geometry and my Greek. But all the laws of trigonometry are no use to me, they're antique. It doesn't take a lot of figuration and it doesn't take a college education to know when love is at your door, that two and two just simply won't make four. Comes a rainstorm, puts your bumps on your feet, comes a snowstorm, you can get a little heat, comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do, blow a tire, you can buy another shoe, comes love, nothing can be done. Now don't try hiding, cause there isn't any use. You'll start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be done. If it's a heat wave, you can cool off on the Staten Island Ferry. If it's Wall Street, you can cry it out in Woodlawn Cemetery. But if it's love, there's nothing can be done. If you're you're in trouble, you can always write a little note to Dorothy Dix. And if it's loneliness that's got you, just grab a subway train at 6. But if it's love, there's nothing can be done. Yes, that's all, brother. If you've ever been in love, oh, that's all, brother. You know what I'm talking of. There's nothing you can do with love comes the nightmare. You can always stay awake, comes depression. You can get another break, comes has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold. And of jam and spice, there's a paradise in the hold. My ship's aglow with a million pearls, and rubies fill each bin. And the sun sits high in a sapphire sky when my ship comes in. I can wait the years till it appears one fine day, one spring. But the pearls and such, they won't mean much if there's missing just one thing. I do not care if that day arrives. That dream may never be. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me. My Ship, Judy Garland. Ce matin, grâce à Laurence Schulman, spécialiste et collectionneur de l'œuvre de Judy Garland, nous découvrons les faces cachées de cette vedette du musical, du cinéma, cette danseuse. Alors grâce à vous, là, on vient de faire un saut dans le temps. On est passé de 1940 à 1953. Elle s'est fait virer des studios de la MGM. Comment évolue la voix de Judy Garland? Ah oui, non, mais c'est très intéressant la voix qu'on entend là, parce que en 53, comme vous dites, elle avait été virée de la MGM. Et après ça, elle est partie en Europe. Elle était au Palladium en 51, et puis par la suite au Palace à New York en 51. Donc elle a eu beaucoup d'expérience sur scène quand elle a quitté la MGM. Et sa voix est devenue beaucoup plus forte et plus mûre et plus puissante. Et ça s'entend dans cet enregistrement. Je dirais aussi que cet enregistrement, donc, qui date de février 53, est juste avant les enregistrements pour Une étoile aînée. Ouais. C'est quelques semaines avant. Donc, on entend déjà la Garland de la maturité dans cet enregistrement. Quelle période de voix est votre Garland préférée, Laurence Schulman? La réponse est très claire. C'est son concert à Carnegie Hall en 61. J'étais trop jeune pour y aller, mais s'il y a un album à acheter, à écouter, c'est Judy à Carnegie Hall, 1961. Qu'est-ce que la voix elle de plus que... Elle a une maturité, elle a une puissance, elle a une magie, qu'elle avait avant, bien sûr. Mais là, elle est très forte. Comment elle est née, cette passion, Laurence Schulman, pour Judy Garland? Je ne sais pas trop. C'est un peu, je dirais, ça a dû être vers l'époque de la sortie du 33 tours de Carnegie Hall, donc, quand j'avais 11 ans, à peu près. Mais aussi, je pense que ma mère m'a appris l'amour de la comédie musicale, parce que ma mère vivait à New York dans les années 20 et 30. Donc elle me racontait toujours qu'elle avait vu Fred Astaire et Ethel Merman sur scène à Broadway dans ces années-là. Et je pense qu'elle a dû me transmettre cet amour pour cette musique-là. Alors on va continuer à découvrir en musique la carrière de Garland. Et là, on se transporte à Paris. Je ne savais pas qu'elle avait fait un concert à l'Olympia. Ah bah oui, mais moi c'est moi qui ai découvert cet enregistrement dans les archives d'Europe 1 en 1994. Et donc, c'était pour l'émission de radio qui s'appelait Musicorama. À l'époque, j'étais en contact avec la famille de Garland, donc j'ai eu l'accord pour sortir cet enregistrement qui était inconnu jusqu'à là. Et pour son concert, donc, elle a rendu hommage à Paris en chantant I Love Paris et April in Paris, qui est un moment rare. C'est aussi avec le pianiste David Lee. En 1960, Judy Garland à l'Olympia. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is here. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a season no other words can reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Because my love is here. Because my love is here. I'll go my way by myself. This is the end of romance. I'll go my way by myself. Love is only a dance. I'll try. try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. No one knows better than comedy ends. I'll have to deny myself love and laughter and friends. Gray clouds in the sky above on my fun. I'll try to fly high above for my place in the sun. Judy Garland en 1962, By Myself de Arthur Schwartz et Howard Dietz. C'est extrait du tout dernier film de Judy Garland, I Could Go On Singing, en français L'ombre du passé, tourné à Londres. L'histoire d'une vedette qui lui ressemble, en concert, qui espère renouer avec un précédent amour. Elle a chanté plusieurs fois cette chanson, Laurence Schulman, oui. By Myself. Pourquoi vous avez choisi cette version-là? Oh, c'est très dramatique, c'est presque agressif, c'est quand même la Garland de la grande maturité. Mais c'est vrai qu'elle avait déjà enregistré chez Capitol en 1957 pour son album Alone, avec des arrangements de Gordon Jenkins. Et c'est beaucoup plus détendu que cette version qu'on vient d'entendre. Dans cet arrangement donc de Mort Lindsey, il a complètement réécrit la chanson. Et en fait, elle a chanté plusieurs fois à la télé. C'est une chanson en quelque sorte fétiche vers la fin de sa vie. Laurence, vous êtes venue aussi avec quelques inédits. On va commencer par le premier. Ça veut dire quoi un inédit? I plant my own tree. Ça veut dire que Garland avait été engagé pour un film en français qui s'appelle La Vallée des Poupées, Valley of the Dolls en anglais. Et c'était vraiment vers la fin de sa carrière. Et elle a fait pour l'argent, quoi. C'était pas un choix artistique du tout. Elle avait besoin de l'argent vers la fin de sa vie. Donc, elle était engagée pour faire ce film et elle était virée presque aussi vite. Elle a eu le temps d'enregistrer cette chanson, qui quand même est une chanson de Dory André Previn, de compositeur important. Elle avait déjà enregistré une chanson qui s'appelle The Faraway Part of Town en 1960, et puis aussi pour son album That's Entertainment en 1960, une chanson qui s'appelle Yes. Donc elle aimait bien ses compositeurs. Donc cette chanson a été enregistrée, mais dans le film, on ne le trouve pas. Et depuis des décennies, donc cette chanson n'est jamais sortie en DVD ou sur CD, ni sur LP. Alors comment vous l'avez, vous ? Ah, il y a un réseau de collectionneurs. C'est pas une chanson qui est inconnue des collectionneurs, mais c'est pas dans le commerce. C'est pas une grande chanson aussi. Garou ne l'a jamais chantée sur scène. Elle n'a pas apprécié cette chanson. Et en plus, c'est la toute dernière fois où elle enregistre une chanson en studio. I'll Plant My Own Tree. Judy Garland, 1967. I'll plant my own tree and I'll make it grow. My tree will not be just one in a row. My tree will offer shade when strangers go by. If you're a stranger, brother, well, so am I. Come tomorrow, all that I see is my tree. Oh, Lord, what a sight. Let someone stop me and I will put up a fight. It's my yard, so I will try hard to welcome friends I've yet to know. Oh, I'll plant my own tree, and I'll make it grow. My tree will not be just one in a row. My tree will offer shade when strangers go by. If you're a stranger, brother, well, so am I. Come tomorrow, all that I see is my tree. Oh, Lord, what a sight. Let someone stop me and I will put up a fight. It's my yard, so I will try hard to welcome friends I have yet to know. Oh, I'll plant my own tree. My own tree. And I'll make it grow. En 1967, I Plant My Own Tree, une chanson inédite de Judy Garland et autre rareté avec laquelle vous êtes venu, Laurent Schulman, ce matin à France Musique. C'est un extrait d'un concert au Palace à New York en 1967. La fameuse chanson française de Gilbert Bécaud est maintenant en version anglaise. Ça, pareil, ça veut dire quoi que c'est un inédit, ce qu'on va entendre? Ça veut dire que cette chanson est sortie sur le 33 tour à l'époque de son concert, donc du Palace, l'ouverture où j'étais, si vous permettez. Cette chanson, cette LP n'a jamais été transférée sur CD. D'accord. Et en plus, dans ce qu'on va entendre bientôt, ça a été remasterisé par mon ami John Haley encore. Donc c'est de très très bonne qualité. Alors vous étiez dans la salle, oui, ce jour-là. Dans la salle, quelle, oui, image vous gardez, ben, aujourd'hui? J'ai deux anecdotes, si vous me donnez 30 secondes. Garland avait une ouverture avant son show. Et moi, j'étais au dernier balcon, j'avais pas d'argent à l'époque, j'étais vraiment au dernier balcon. Et à la fin de l'ouverture, il y a un tonnerre d'applaudissements. Mais il n'y a pas de Garland sur scène. Et ça dure 5 minutes, 10 minutes, pas de Garland. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est entrée par le foyer du théâtre. Elle a traversé les gens dans l'orchestre. elle est montée sur scène à partir de l'orchestre. C'était insensé. L'autre anecdote, c'est à la fin de cette chanson, What Now My Love, en anglais, il y a une note à la fin, elle chante le mot goodbye à la fin, et la note bye est assez élevée pour Garland, parce que c'est quand même vers la fin de sa vie, elle est morte en 69, et on ne savait pas si elle allait pouvoir la chanter. Et donc, si vous écoutez cette chanson, cet enregistrement, vous allez entendre que le public est très silencieux, parce qu'il ne savait pas si elle allait arriver. Et sur ce goodbye, le mot bye, elle arrive à chanter cette note et il y a un tonnerre d'applaudissements comme j'en ai jamais entendu. C'était tout à fait mémorable. I love you. I love you. What now, my love? Now that you've left me, how can I live through another day? Watching my dreams turn into ashes, and my hope into bits of clay. Once I could feel. Now I am numb. I've become unreal. I walk the Now there is nothing, only my last goodbye. What now, my love? Now that it's over, I feel the world closing in on me. Laurent Schulman, vous êtes venu avec un dernier cadeau, on peut dire inédit, encore une fois une découverte, un couplet en plus d'une de ses chansons dans le film Une étoile est née. Alors comment c'est possible ce qu'on va entendre là dans un instant? J'ai pu connaître un collectionneur à Atlanta et j'ai commencé à lui écrire. Il avait ce disque encore sans étiquette mais qu'il avait écouté chez lui. Et comme c'était un spécialiste des comédies musicales, il savait qu'il y avait un refrain donc sur ce disque, qu'il n'avait pas entendu dans le film. Et donc, il est venu vers moi pour demander si j'avais un projet où je pouvais placer cet inédit. Et j'avais en fait un projet de coffret qui va sortir, donc qui s'appelle Judy Garland chante Harold Arlen, parce que la musique dont une étoile est née est écrite pour la musique par Harold Arlen. Donc je me suis dit, c'est le bon moment de sortir ce coffret avec cet inédit, ça va faire du bruit en plus. Donc voilà, ce sont des circonstances, les hasards. Alors, ça veut dire quoi que la chanson avait été coupée au montage? Ça veut dire que la chanson était trop longue pour le film. Le metteur en scène George Cukor a dû décider qu'il ne voulait pas inclure tout dans ce qu'on appelle le pré-enregistrement. Donc, c'est la partie qu'on va entendre qui dure peut-être une minute maximum n'est pas dans le film. Mais, il y a une chute où on voit Garland chantait ce morceau, mais dans les coffrets DVD et Blu-ray que Warner est sorti, ce morceau n'avait pas de son. Maintenant, il a du son. C'est au bout de combien de temps que le morceau devient inédit dans ce que nous allons entendre, hein? Oh, je dirais après deux minutes et demie, quelque chose. C'est au milieu de la chanson. Elle va chanter une note sur le mot « lost ». Et dans le film, ce mot « lost » est très court. Et dans ce qu'on va entendre, elle chante un grand « lost ». Et c'est à partir de là où tout est inédit. One, two. If as and when you've got a long face, rearrange it. Don't be contented with the wrong face. There's a way to change it. Does the day look painful? The future glum? Does the sky look rainful? Hey there, say there, are you in a vacuum? All this stuff and nonsense you can overcome. A long face gets you nowhere. You lose that month of May. Like Peter Pan, the sweet of Pan wins the day. Goes that long face, go along and get that long face lost. Says move on, no vacancy. This panacea idea I'm handing you without any cost. There isn't any tax on it, so just relax on it. If you want trouble, double cross. Don't give in to a frown, turn that frown upside down and get yourself that long face lost. My suggestion, don't question. The smile that gets you out of the frost. You don't need a psychologist or numerologist. If you want trouble, double-crossed with a face full of fun, take your place in the sun. Get yourself a long face lost. Thank you. on it. So just relax on it. If you want trouble, double cross. Don't give in to a frown. Un enregistrement inédit que personne n'a entendu et qu'on peut découvrir dans votre coffret Judy Garland Sings Harold Arlen, Laurence Schulman. Expliquez-moi que je comprenne vraiment bien. Ce sont des vinyles. C'est un vinyle, oui. Ce sont des disques de pré-enregistrement. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement. Non, quand on tournait des films à l'époque, dans les années 40, 50, on faisait ce qu'on appelle des pré-enregistrements. Donc on enregistrait la musique avant de tourner le film. Et puis on chantait la chanson en playback lors du tournage. On utilisait ce playback disque. Ça veut dire que le pré-enregistrement avait été transféré sur ce disque pour que l'acteur puisse s'entendre pendant le tournage. Laurence Schulman, vous étiez donc dans la salle au Palace Theatre en 1967. On parle beaucoup de magnétisme de Judy Garland. Comment vous pourriez décrire, vous qui l'avez vécu, donc, ce magnétisme de Judy Garland? C'était électrique. C'était comme du beurre. On pouvait le couper avec un couteau. C'était tellement fort. C'était vraiment, il y avait un aura autour d'elle, en particulier dans les années 60. Il y avait une espèce de folie autour de Garland. Et ça se sentait tout de suite pour chaque concert. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de présence sur scène, évidemment. Mais aussi, il faut dire que les gens avaient pitié d'elle. Parce qu'il faut comprendre qu'à la fin de sa vie, elle était SDF. Je ne sais pas si les gens le savent. Comment mais ça ? En 68, elle n'avait plus de maison. Elle avait vendu sa maison en 1967 parce qu'elle devait des impôts. Et donc, elle a vendu sa maison. Donc, en 68, elle habitait les hôtels, elle habitait chez des amis. Donc, il y avait une espèce de sympathie envers elle qui était... Parce que c'était dans les journaux, tout ça. Donc, c'était ça aussi lors des concerts. Et c'était très fort. Merci, Laurence Schulman. Alors, je rappelle les coffrets que vous avez publiés autour de Judy Garland. Il y a Swan Song, First Flight, c'est paru chez Doremi Allo. Il y a The Lost Tracks, des pistes méconnues de Judy Garland, paru chez JSP Records. Ou encore The Garland Variations, des chansons interprétées à différentes phases de sa carrière. Voilà, je vous remercie, Laurent, parce que vous avez contribué un texte aux Garland Variations. Donc, c'est un plaisir. Et puis aussi, ce coffret qui paraît, Judy Garland chante Harold Arlen, et un autre prévu qui s'appelle les duos classiques. Les références, en tout cas des titres diffusés de ces coffrets, le podcast et le streaming, c'est sur francemusique.fr. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag 42E rue. Merci Laurence. Merci Laurent. À très bientôt avec vos très beaux coffrets. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Meuny, avec ce matin Jason Taous à la technique et à la réalisation Perrine Mingui. Rideau.